Lorsque, à la fin de la saison, à côté de l'alambic, où on entrepose justement la lavande en cavalier, là, il y a la graine, la lavande est mûre à la fin de la saison. Donc, dans les épis, il y a la graine. Hein. C'est facile, même devant l'alambic, là, on aurait ramassé la graine. Vous voyez, de la graine noire fine, là. On ramassait la graine, là. On la semait et il poussait des plants de lavande. Et après ces plants de lavande, on les arrachait, on allait les repiquer dans le champ. La lavande, une année, vous voyez, on l'a semée au printemps, à l'automne, elle est bonne à repiquer. Ça fait des jolis plants.